celebra y besa o seu nome. Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Et a changé mon nom sur la croix de Golgotha, Yahweh. Le salut éternel, il m'a donné gratuitement. La paix éternelle, il m'a donné gratuitement. Voilà pourquoi je veux danser, bouger et crier pour lui. Voilà pourquoi je veux danser, bouger et crier pour lui. Il m'a tout pardonné sur la croix de Golgotha. Il a tout effacé sur la croix de Golgotha, Yahweh. La vie éternelle, il m'a donné gratuitement. La paix éternelle, il m'a donné gratuitement. Voilà pourquoi je veux danser, bouger et crier pour lui. Voilà pourquoi je veux danser. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Venez voir combien Jésus est bon. Venez voir combien Jésus est bon. Venez voir comme mon papa est bon. Venez voir comme mon papa est bon. Il m'a donné la vie. La vie éternelle. Il m'a donné la vie. La vie éternelle. Il m'a donné la paix. La paix Yahweh. Oh oui, il m'a donné la joie. La joie Yahweh. La joie éternelle. Jésus m'a donné la vie. Si vous ne rencontrez pas les diables sur votre chemin, alors vous faites route ensemble avec. Hey, nabanga ni mingai. Nabanga ni na mokili. Wete Yesu na simba, adonga na mokili. Na ravi na kobanga na nyango. Il m'a donné la vie. La vie éternelle. Il m'a donné la vie. La vie éternelle. Il m'a donné la paix. La paix Yahweh. La paix, oh oui, il m'a donné la joie. La joie Yahweh. La joie éternelle. Jésus m'a donné la vie. La vie éternelle. Yahweh. De sa grandeur, louez-le au son de trompette, louez-le avec les huttes, avec la guitare. Je sens sa présence, yeah. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Seigneur de Seigneur, car sa miséricorde ira toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, celui qui a étendu la terre sur les eaux. Si mon salat, si mon tout cahier.